Chapitre 3e. Après le départ de Tanguy, le manoir de Kerlaz reprit son train de vie monotone et somnolent. La lande étendit tout alentour sa verdoyante solitude. Les vents d'ouest, en traversant les bois de pins, le bercèrent de leur musique assoupissante, et on y vécut de nouveau comme dans le château de la Belle au bois dormant. Au loin, le monde s'agitait fiévreux et affairé. Des peuples lancés l'un contre l'autre se heurtaient aux frontières et leur chope formidable faisait crouler des empires. Mais à Kerlaz, où les journaux pénétraient rarement et où le piéton de la poste ne s'arrêtait que de loin en loin, les bruits du monde arrivaient plus confus et plus sourds que les rumeurs de la mer. On labourait, on ensemençait les maigres champs du domaine. On filait au fuseau devant les landiers en hiver ou sur le perron du jardin en été. On moissonnait les seigles, on récoltait les châtaignes, les années s'écoulaient ainsi toutes semblables, et le bonhomme Plou Daniel s'en vieillissait à mesure. Anne avait recommencé ses promenades dans la lande, mais elle ne lisait plus. Elle se bornait à ruminer ses souvenirs et à revisiter les sentiers parcourus en compagnie de son cousin. Comme ces enfants qui ramassent des coquillages sur la grève et occupent ensuite leurs soirées d'hiver à recompter et à admirer leurs trouvailles, elle reprenait un à un tous les incidents de cette rapide et chaude saison dont Tanguy avait été le rayon de soleil. Elle se complaisait à en raviver la mémoire et à en ressaisir les parfums épars. Quelques jours après le retour de Tanguy, les Plou Daniel de Paris avaient écrit pour remercier chaleureusement leur cousin de Bretagne, et à cette lettre, le jeune homme avait joint un billet où il demandait à sa cousine que son bouquet l'avait seul consolé des ennuis du voyage. Dans la réponse qu'elle rédigea sous la dictée de son père, Anne de Plou Daniel trouva le moyen de glisser un œillet soigneusement aplati au préalable dans un gros dictionnaire. Elle espérait que Tanguy lui en accuserait réception, mais son attente fut déçue et le silence se fit entre les deux familles qui se contentèrent d'échanger comme par le passé leurs souhaits au retour du 1er janvier. 3 ans après, le bonhomme Plou Daniel mourut d'un accès de goutte remonté au cœur. L'orpheline annonça ce triste événement à ses cousins, qui lui répondirent par une affectueuse lettre de condoléances, mais ce fut tout. Mademoiselle de Plou Daniel se trouva plus seule que jamais dans son manoir endormi. Les mois, les années poursuivirent leur cours monotone, affaiblissant la douleur de l'héritière, comme ils avaient fané la verdeur de ses rêves d'amour. Elle touchait maintenant à sa 30e année, et la solitude lui pesait davantage. Elle n'avait jamais eu le goût du célibat. Et en voyant se dessécher sa jeunesse, elle éprouvait avec plus d'intensité encore l'ennui de son isolement. D'ailleurs, dans le domaine de Kerlaz, la présence d'un homme était nécessaire. Anne n'entendait rien à la direction des travaux de culture. Elle se laissait voler par ses métayers, grugée par ses domestiques et exploitée par ses cousins. Il était urgent de mettre un terme à ses abus, sans quoi les modestes revenus de Kerlaz risqueraient d'être réduits à zéro. Seulement, où trouver un mari? Dans les familles nobles des environs, les jeunes gens quittaient le pays dès 20 ans pour aller chercher fortune, et les rares célibataires qui restaient se souciaient peu d'épouser une fille déjà mûre qui ne leur apporterait en dot que les langues de Kerlaz. Or, il y avait à cette époque, à Poulan, un jeune homme d'une 30aine d'années nommé Jean le Bozlec, qui était devenu régisseur d'un domaine voisin après avoir servi dans la marine de l'État. C'était un honnête et robuste garçon à l'œil clair, à la peau tannée, aux larges épaules, très entendu en affaires. Il avait eu l'occasion d'être utile à Mademoiselle de Plou Daniel, qu'il avait plusieurs fois invité à sa table. Peu à peu, qu'on en jasa au village, une certaine intimité s'était établie entre eux. Mais jamais, au grand jamais, Jean le Bozlec n'eût osé hausser son ambition jusqu'à aspirer à la main de la demoiselle dont il était le commensal et le conseil. Ce fut Anne, qui, pour couper court au caquet de la paroisse, fit plus de la moitié du chemin et qui nettement lui proposa le mariage. Un beau jour, les bans furent publiés et Mademoiselle de Plou Daniel devint humblement, bourgeoisement, Madame Jean le Bozlec. Naturellement, cette mésalliance scandalisa toute la noblesse des entours. On déclara que la conduite de Mademoiselle de Plou Daniel était honteusement indécente. Les gens qui lui eussent pardonné de prendre l'ancien marin pour amant crièrent à l'immoralité en apprenant qu'elle l'épousait, et la nouvelle mariée fut traitée en paria par la gentilhommerie du canton. Anne, du reste, en fut plus mortifiée que surprise. Elle avait d'avance prévu et porté en compte les conséquences de son dédain des préjugés sociaux. Elle comprenait si bien la portée de l'acte qu'elle venait de commettre qu'elle se garda de faire part de son mariage à ses cousins de Paris. La seule pensée de Tanguy apprenant ce dénouement vulgaire lui faisait monter le rouge au visage. Les plus Daniel de la branche aînée furent mis néanmoins au courant de l'aventure. Ils haussèrent les épaules et rompirent toute relation avec cette parente déclassée. Jean le Boslec lui-même semblait confus de ce changement de condition si inespéré. Bien qu'aux yeux de la loi il fût maître et seigneur de Kerlaz, il n'en traitait pas moins Anne avec une respectueuse déférence et s'efforçait de reconnaître la confiance qu'elle lui avait témoignée en prodiguant ses soins à la gestion du domaine. Grâce à lui, Kerlaz prospéra. Les revenus s'accrurent et Madame le Boslec en profita pour répandre plus de mônes autour d'elle. Elle était devenue dévote, fréquentait les églises et donnait beaucoup. Elle espérait faire plus vite oublier sa mésalliance à force d'œuvres pies et charitables. Aussi, les messieurs prêtres de Poulan, de Confort et de Boncroix, trouvant chez elle une table abondamment garnie, s'abattaient-ils à Kerlaz comme une volée de goélands et ne tarissaient-ils pas en éloges sur l'édifiante piété de la dame du logis. En dépit de tout cela, Anne n'était pas heureuse. D'abord, son union n'avait pas été féconde et sous ce rapport, sous d'autres encore peut-être, le mariage n'avait pas réalisé ses espérances. Puis, elle n'était point parvenue à chasser de son cœur l'image de Tanguy de Ploudaniel. Bien souvent, pendant qu'elle redressait les tiges fleuries de ses œillets, elle en avait couvert les plates-bandes de son jardin, le souvenir des tendres paroles et des baisers passionnés de son cousin lui causait une étrange oppression. Qu'était-il devenu ? La vie avait-elle eu pour lui, du moins, de bons sourires et des jours ensoleillés ? Se rappelait-il encore parfois cette tiède matinée d'août dans le jardin de Kerlaz ? Ce souvenir qui la hantait comme un vieil air dont le refrain revient obstinément aux lèvres était imprégné de la douce et perfide senteur du péché. Anne se reprochait de s'y abandonner avec trop de complaisance. Elle s'en accusait au confessionnal et s'imposait de dures pénitences. Mais quoi ? C'était le seul écourant roman de sa vie et toujours, aux heures de solitude, Tanguy lui apparaissait comme un aimable revenant, avec ses cheveux frisés, ses yeux bleus rieurs et ses moustaches en pointe. Elle ne pouvait repenser sans un damnable et délicieux frisson à ces matins de juillet où ils avaient chassé ensemble, et jambes nues, les écrivisses de mer dans les roches de Saint-Renan. Avec les années, les progrès de la civilisation s'étaient fait sentir jusqu'à cette pointe extrême de la Cornouaille. Le chemin de fer arrivait maintenant à Quimper et peu à peu, il avait amené à Douarnenez des visiteurs jusque-là inconnus. Touristes anglais et américains, peintres parisiens en quête de nouveaux motifs et attirés par l'originalité encore entière des mœurs cornouaillaises. Un de ces derniers, le paysagiste Villeneuve, s'aventura avec sa femme jusqu'à Kerlaz et, charmé par la sauvagerie du site, s'installa tant bien que mal dans l'auberge des Poulans. Des rapports familiers s'établirent assez vite entre la femme du peintre et Madame le Boslec. Celle-ci accueillit cordialement les Parisiens et s'efforça de leur rendre un peu plus confortable le séjour de l'auberge. Elle se trouvait heureuse de pouvoir échanger de nouveau quelques idées avec des gens appartenant au milieu social d'où elle avait été exilée. Elle les questionnait sur Paris, sur les relations qui existaient entre les artistes et la société mondaine. Un jour, elle se hasarda à prononcer le nom de Tanguy de Ploudaniel et à demander à la femme du peintre si elle le connaissait. Parfaitement. Madame Villeneuve l'avait rencontré dans le monde et aussi à l'atelier de son mari. Il était député et grand amateur de tableaux. « Il est mon cousin, » murmura Madame le Boslec en rougissant. « Eh bien, chère madame, il vous faudra l'aller voir un de ces printemps. Maintenant, le voyage de Paris n'est plus qu'une bagatelle. Vous descendrez chez nous. » Nous vous conduirons au théâtre, au musée, aux expositions, et nous vous amuserons de notre mieux. » Quand, à la fin de l'automne, les Villeneuve quittèrent Poulan, ils embrassèrent Anne et leur renouvelèrent leur invitation avec une insistance dont la sincérité n'était pas douteuse. Celle-ci n'y répondit que par un sourire mélancolique. Certes, l'envie ne lui manquait pas de voir Paris, car pour elle, Paris, c'était avant tout le lieu où vivait Tanguy de Ploudaniel. Mais elle ne se dissimulait pas que son désir était irréalisable. Elle était arrivée à Kerlaz par toutes sortes d'attaches difficiles à rompre, la force de l'habitude, la médiocrité de ses revenus et surtout ses devoirs envers Jean le Boslec. Déjà, sa conscience timorée lui reprochait de penser avec trop de douceur à son cousin, de se laisser griser par ce souvenir qui passait de plus en plus à l'état d'idée fixe, de n'être pas enfin pour le mari de son choix tout ce que doit être une épouse chrétienne. Aussi, pour apaiser ses scrupules, l'entourait-elle de soins et de gâteries. Elle lui arrangeait une existence de chanoine, à laquelle l'ancien marin s'acoquinait, sans réfléchir qu'il avait été habitué jusque-là à une vie frugale et active, et que sa santé risquait fort de se détériorer à ce régime de cocagne. En effet, au bout de quelque temps, la bonne chère, les grasses matinées et le défaut d'exercice déterminèrent chez lui une menaçante obésité et un état congestionnel assez alarmant. Une après-midi de printemps qu'il avait largement déjeuné chez le recteur de Confort et s'en était revenu au manoir par un traître soleil d'avril, il fut frappé en rentrant au logis d'une attaque d'apoplexie et à bon coup n'eût pu ramener le médecin de Douarnenez, Jean le Bozlec, passa de vie à trépas sans avoir repris connaissance. Ce brusque événement mit tout sens dessus-dessous à Kerlaz, et durant un mois, Madame le Bozlec demeura plongée dans un état d'effroi et de stupeur. Cependant, quand elle eut repris un peu de sang-froid et qu'elle se fut faite à ses habits de deuil, quand elle eut commandé une large dalle de granit pour couvrir la fosse de Jean le Bozlec, elle songea tout à coup que cette mort la rendait de nouveau maîtresse d'elle-même, et maîtresse de laisser ses pensées s'envoler sans remords vers ce lointain et fabuleux Paris où vivait Tanguy de Ploudaniel. D'abord, elle fut honteuse d'une pareille songerie et la repoussa comme inconvenante. Mais le lendemain, les mêmes réflexions revinrent avec la même persistance. Elle avait beau s'astreindre à de longues stations près de la tombe de Jean le Bozlec, dont elle renouvelait soigneusement les bordures fleuries de scabieuses. Elle essayait d'évoquer le souvenir du défunt. Elle s'accusait d'ingratitude et récitait de nombreuses dizaines de chapelets pour chasser les tentations du malin. Tout cela était peine perdue. Par une déviation involontaire, sa pensée fuyait toujours vers la ville où demeurait son beau cousin de Ploudaniel. Au lieu de s'abaisser dévotement sur la pierre tombale, ses yeux distraits suivaient le vol des nuages blancs qui lui parlaient de courses lointaines et de contrées inconnues. Et ainsi, insensiblement, la possibilité d'un voyage à Paris germa dans le cerveau de la veuve. Ce ne fut d'abord qu'une vague et romanesque hypothèse, une idée aussi frêle que la minuscule pousse verte qui sort de la semence. Mais à la fin de la première année, à mesure que les messes dites chaque semaine pour le repos de l'âme de Le Bozlec tranquillisaient la veuve sur les destinées célestes du défunt, le germe vivace avait pris la consistance d'un arbre de haute futaie. Justement, les Villeneuve, avec lesquelles elle était restée en correspondance, venaient de lui écrire pour lui rappeler sa promesse. On était au printemps, le mois de mai s'annonçait à merveille, et c'était le cas de prendre quelques distractions en effectuant ce voyage à Paris si longtemps différé. L'offre était tentante et Anne commençait à être fortement ébranlée. Une seule chose l'arrêtait encore. Le pauvre état de sa bourse, mis à sec par les messes chantées et les cierges brûlés à la mémoire de Jean le Bozlec. Mais n'avait-elle pas la suprême ressource en pareil cas, les pins du bois de Kerlaz? Bien qu'elle tînt à ses arbres et qu'un abattis lui fît saigner le cœur, elle se dit que le plaisir de revoir Tanguy valait bien ce sacrifice. Les gens de la marine lui offraient 30 francs de chaque fût. Elle se décida à leur en vendre 25 et le marché conclu, l'argent empoché. Un beau matin, elle se fit conduire à Quimper et prit à 2 heures de l'après-midi le train qui devait l'emmener vers la grande ville de ses rêves, vers le pays merveilleux et inconnu où demeurait Tanguy de Ploudaniel.